prend tout vieil magasin en se barre. Mais ni yon ni l'autre parler ici à Jerry moi. Tout voyant médium qui ose quitter moi, peut pas dire moi. C'est qui ça, moi ni caron, moi fou. Pour moi, pas ça, dormir en nous qu'on joue. Qu'est-ce qu'a Jerry, mais pas Jerry moi. Yo pas ça, yo laisse ça. C'est qui ça, moi ni caron, moi fou. Pour moi, pas ça, dormir en nous qu'on joue. Qu'est-ce qu'a Jerry, mais pas Jerry moi. Yo pas ça. Aïe, quand t'es joué non belle, qu'après son sacré belle déesse. Pour lire tes camortes, les bains, tout qu'à tes richesses. Déparé à l'été, coché la ligne et puis soleil. Mais malgré tout ça, mon chou, il laissait moi tout seul. La nuit qu'on la journée, c'est lui moins qu'à songer. Il caronne moi fou. Où est la gamme manger moi? Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe. Les meilleurs tout comme moi. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe. Où est la gamme manger moi? Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe. Les meilleurs tout comme moi. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe. Maman pétire ou a dit dans tête en moi. Où c'est j'irai dire c'est qu'a coulé en verre en moi. Oh, la dit l'on m'a caron moi. Oui, on est fini, on l'est pas peut-être moi. C'est lui pas qu'a songé l'on m'a conjou. L'on est, mais on m'a dit c'est qui ça m'a dit caron moi fou. Pour moi pas ça dormi l'on m'a conjou. Pas ça dormi. Pour moi pas j'ai dit moi. L'on m'a conjou. Aïe aïe aïe aïe aïe.